Ah, j'ignore ta visa là. Puisque dit-on les mirons des oreilles. Nakaboni mawaya papa ta visa là. La dit-on de moi qu'à Thérèse. La vie d'Indine. Serge Anguine. Mami ta visa là. Bah, allo, bibi, non, la montre, beaux alibas associés. Binomo zali ko jere mo kilo yo ya zambe. Binomo yebi mo kolo peta mo ngana kwa. Soki mo zali te mo ne koko ma kusundone. Oh ye ye. Balandie. Vena nga chanda. Seliba sede. Eske kututo mo ye. La dilu ya kisa temi. Kisa la milengele chulango. Stanis Silas, Malvin Futila, Alain Jambo. Balandie, Yvette Olo, Nalong. Papi Diambois dans les patrons de Schengen. Yves Bandoubi. Jipe Massamouna, Sali Massamouna. Boyo Kilangata Mamawa. Histoire en Moussa Moulaï. Kolo yezu apotama kezana kalandi Kate akufa kipiase kwa kinyoso ezali Namanda kona babigo na megize boza prezant Topo la muka na tongo miso na kalandi Ba travayer apeti diambe leve tunabango Ba koye bisawe importance ya kalandi Kalandriye yo kosu kase na le 30 Amen de mbala na mani Passe la douceur. Soki moko a sali teto koto nana ba fama. Soko la mouka et l'on pose la moko montre. Yo yo. Calandrier. Moro mi choco. Date na taï. Jimmy ba manisa. Yo montre. Mete mon passa. Est-ce que vous tout dormi? On est chic chic la pitié. Oye visa junior. Je n'y peux pas. Alain Kouye va Sylvie. Vraiment, la sangue n'a mal au bas. Calendrier n'a montré, on va s'approcher du monde de Royo. Les lobes ont mis balais sur le bazar, des mondes de Royo. Au retour, on a des tangos. Vous voyez, ma popo, le combat, la ligne, vraiment. Ah, Didier Bex, Asichondo. Tu peux qu'à quitter, il y a un combat, la Nicole. Vraiment, la Léline, Assis, Beyoko. La fosse n'a t'a qu'à diabona, n'a pémi. Balandrié, Charles Moulin, Moumba, Tate Nambaï, Alain Zezayo, Yo Montré, Karine Moumba, les sous, est-ce que vous tout dormez, Asse Chondo, Boye Bissa Chignon, Amayo, Amilengue, les Chouambo, Fatou Diop, Katia, Yeko Yadimbali, Yapoubie, Oyabino Rouba Mikolote, Vieille Etienne Moundele, le millionnaire, Yole Kibambo, Frema Bina Malinga, la maman, on a la chambre du commerce, Jissé Dardi, José, Eva Mabaya, Yoka Binoko Yakana, Yeko Yapapillon, Commandant Poupou. Bana qui pointe à Bobina, Tony Lutumba et Medola, Flavienne à Italie, Moninga Langaï. La récite, oh! Otika Mouata, je vais tout la fille aussi pour la rassembler 20 fois. Ma sœur Koutino, Denis Lessi, Marie Moussa, Frère Guilain, Yoka Maloba, Yatata, Fofik Basakila, Eric Massilien. Patrick Tabo, Molo Matope, Yo Patrina, Pastor Kizamina, Nassamila Kanayo, Tata Lely, Yo Yo Yo Yo Yo Yo, Chantol Mapa, Chaboye, Yo Bale, Yves Fino, Yema Ema Kalema, Alem Chambo Na Parana, Yema Mia Ema, Sale, La Sakabito, Saki Saki Sakufa, Mama Popeye, Aïe, aïe, tu te fais de papa. Sharon Cosmetica, Madekas Cosmetica, Michele Alpana Diallo, Samba Sunga.